J'ai pas envie de mentir, maman, j'ai pas envie de me dire que ma vie sera faite de dettes et de problèmes, alors que pour l'instant ma vie se résume à faire la fête et à vivre de je t'aime pendant que d'autres se rejettent. J'ai pas envie de grandir, maman, je veux pas gagner de la thune pour le filer à un mec qui vit sur une énorme fortune. Je préfère ne rien avoir que de devoir tout perdre. Vaut mieux ne rien valoir que de ne plus être moi-même. J'ai pas envie de grandir, maman, ce monde me terrifie, me rend fou, me remplit de peur et d'idées indécises. Je sais pas où je vais finir, mais je te veux auprès de moi. Je sais pas quand je vais mourir, mais je l'espère bien avant toi. J'ai pas envie de grandir, maman. J'ai pas envie de grandir, maman. Il est trop tôt, s'il te plaît pas, maintenant ne pars pas. Laisse-moi juste le temps, j'ai pas envie de grandir, maman. J'ai pas envie de grandir, maman. Il est trop tôt, s'il te plaît pas, maintenant ne pars pas. Laisse-moi juste le temps. J'ai pas envie de grandir, maman. J'ai pas envie de passer ma vie à fuir les gens, à écouter leur avis et voir leurs faux semblants. J'ai pas peur de l'avenir, non, non. J'ai peur de voir à quoi ressemblera le monde sans toi, qui me protège et me cajole de toute cette folie humaine, qui me rassure, me fait grandir, me fait me sentir moi-même. Je n'ai plus peur de grandir maintenant. Mon enfance est terminée, laissée, délaissée dans le néant du passé. J'ai compris, pour être soi-même, il fallait oser et ne pas reculer. Alors j'ai décidé de changer les choses sans changer les gens, ni changer le temps d'attendre une vie meilleure, d'une vie qui ne serait pas qu'une question d'heure. J'ai dû apprendre à prendre le temps, de prendre le temps sans trop freiner, ni oublier d'où je viens, qui je suis et où je vais. Et maintenant je peux vous dire que je suis bien dans mon corps, dans ma tête, qu'importe mon sort, je vivrai à la monnaie. J'ai pas envie de grandir, maman. J'ai pas envie de grandir, maman. Il est trop tôt, s'il te plaît pas, maintenant on ne part pas. Laisse-moi juste le temps, j'ai pas envie de grandir, maman. J'ai pas envie de grandir, maman. Il est trop tôt, s'il te plaît pas, maintenant ne pars pas. Laisse-moi juste le temps. Laisse-moi juste le temps. Je n'ai plus peur de grandir. Je n'ai plus peur de grandir. Je n'ai plus peur de grandir.